Très très très nombreux ce matin. Soyez courtois, elle est à votre disposition. À demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. On s'informe avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les affaires étrangères n'ont pas de confirmation de l'arrestation de Bilen Ceren en Turquie, une jeune Belge d'origine turque. Sa mère affirme qu'elle est en garde à vue depuis vendredi, depuis son arrivée sur le sol turc. Elle dit également que sa détention a été prolongée à demain. Bilen Ceren venait d'arriver en Turquie pour passer des vacances. Selon la presse turque, la jeune étudiante aurait des liens avec la mouvance terroriste d'extrême gauche, ce que sa mère dément. Hier, un jeune conducteur a tenté de renverser un cycliste à Couvin. Le jeune homme a en fait d'abord accosté un couple qui circulait à vélo. Après un échange de paroles désagréable, une altercation a éclaté entre les deux hommes qui se connaissent. Chacun a ensuite continué sa route, mais 100 mètres plus loin, le conducteur a attendu les deux cyclistes et lorsqu'ils sont passés devant son véhicule, il a redémarré en trombe. Jusqu'à présent, son geste n'est pas expliqué. Les cyclistes ne sont pas blessés. Ces faits ont été qualifiés de tentative de meurtre par le parquet de Namur. Le suspect sera normalement entendu aujourd'hui. Il était sous l'influence de l'alcool lors des faits. Au Japon, le passage d'un nouveau typhon a fait jusqu'à présent 11 morts. Plus de 1000 autres personnes ont été contraintes d'évacuer leur maison. C'est le 10e typhon de la saison en Asie. En Somalie, le bilan de l'attentat de Mogadiscio s'alourdit à 22 morts. Hier, un attentat à la voiture piégée a eu lieu près du palais présidentiel. Il a été revendiqué par les islamistes des Shabab. Le célèbre photographe français Marc Riboud est décédé hier à l'âge de 93 ans. Et il était notamment connu pour ce cliché de 1967, « La fille à la fleur », celui d'une militante contre la guerre du Vietnam face à des soldats en armes devant le Pentagone. En sport du tennis, plus qu'un seul Belge en lice à l'US Open, c'est Steve Darcy. Il affrontera au deuxième tour l'Américain John Isner. Hier, trois Belges ont été éliminés au premier tour. Chez les dames, Kirsten Flipkens et Janina Wickmayer. Chez les messieurs, une élimination rapide et surprise, celle de David Goffin. Il avait atteint les huitièmes de finale dans les trois autres grands chelems cette année. La météo, du soleil partout ce matin. Dans l'après-midi, les nuages feront leur apparition, mais le temps restera sec. Les températures sont agréables de 22 à 26 degrés. RTBF Mobile Info avec Caroline Gillet. Il y a quelques soucis près d'un chantier sur la E429. Exactement, dans le sens vers la France. Des files à partir de Rumilly dans ce chantier entre Quin et Lamain. Donc des soucis pour rejoindre la France. Ralentissement aussi sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure. C'est à hauteur de Zaventem en direction de Grand Bigard. On rappelle également que du mazout se trouve dans l'échangeur de Strombeek. La chaussée glissante dans la bretelle qui relie le ring de Bruxelles venant de Grand Bigard à l'A12 vers Anvers. Et puis un objet encombrant nous a été signalé sur le 42 Mons-Liège à hauteur du Corgne. La voie de droite est neutralisée en direction de Liège. Prudence, il s'agit d'une barre de fer. C'est une information de la communauté Coyote. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons sur Vivacité avec Sébastien Nolvaux. Et toute son équipe qui se marre déjà, ça augure 2 heures de folie. Merci Justine, à tout à l'heure midi. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les gens. Bonjour. Qui nouvelle? Ça va bien. On va s'arrêter là. Hey, comment ça va? Il fait beau dehors. On est renfermé dans son studio pendant 2 heures. Elle est pas belle, la vie? Oui, magnifique. C'est pour mieux apprécier. Mais évidemment, surtout quand sur la terrasse. On va faire des trucs sympas aujourd'hui. On va s'intéresser notamment au miroir de Michel. Oui. Un miroir chauffant. Il n'a qu'un an. Mais surtout, il se décolore. Or, il n'a qu'un an. Il est sous garantie. Ça a coûté 700 et des euros de poussière. Et il pèle. C'est pas Michel qui fait parce qu'il n'a pas mis sa crème après soleil. D'accord. Voilà. Première question qu'on posera à Michel, c'est quoi un miroir chauffant? Chauffant, exactement. Et à quoi ça sert? Dans le journal de la conso, cette fois, on peut vraiment se poser la question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous savez que Airbus teste l'avion sans pilote. Ah non, mais ça, tu... alors ça, je monte pas là-dedans. Je savais que ça vous ferait plaisir. Déjà, quand je monte dans un avion, je m'inquiète de l'état de santé mentale du copilote, parce que tu sais jamais. Et là, on parle carrément de taxis qui iront de porte à porte sans pilote. Laisse tomber. Jacques, il paraît que 2016 est une super année pour le vin belge. Oui, mais en fait, non. Ah. Parce que c'est ce qu'on peut lire sur différents sites info depuis quelques jours, mais on verra que du côté des vignerons, malheureusement, l'optimisme n'est pas vraiment de mise. Et puis, on se posera aussi une autre question. Décidément, on s'en pose des questions. Il paraît que les commerçants de la mer du Nord pratiquent des prix différents hors saison et pendant la saison. On a enquêté évidemment là-dessus. On s'est dit... comme tout le monde, quoi. Comment cela se fesse enfin, comme tout le monde, souvent, comment ça bah, dans le sud de la France, etc., vous avez des... C'est pas normal. Et on verra que la réponse est peut-être surprenante. Voilà. Et puis la question du jour sur la page Facebook, elle concerne les cartables. Parce que oui, demain, c'est le 1er septembre, zut. Alors on vous demande, est-ce que vous avez déjà le cartable pour les enfants? Oui, il serait temps. Bah, on parie combien qu'il y en a qui vont répondre non, on ne l'a pas. Ouais, c'est vrai, et alors vous le choisissez comment, votre cartable? Dites-nous tout sur les cartables. Sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 3063. Ça coûte 50 centimes le message. Et puis notre répondeur 070 222 660. Côté musique, vous rajoutez Amir. J'aime bien. Il chante You. Moi, je lui réponds chaque fois You. Vous vous en foutez. Ok, d'accord. Il y aura Sia aussi. Avec Chandelier, vous écoutez Vivacité si on n'est pas des pigeons jusque 13h. Bienvenue tout le monde. Quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. écoute, je prends l'accent espagnol pour oui. dire. Oui, oh oui. Enrique Iglesias duele el corazón. J'ai bien fait de le cheveux sur la langue. Vous avez ouais, collation ou quoi? Ouais, votre courrier est arrivé. Oh, toujours le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Parce que je suis déjà dans les rentrées scolaires, je prends sous collation, des enfants, évidemment. Sur la page Facebook, vous avez réagi beaucoup, en masse, comme chaque fois. Hier, on vous a montré qu'on pouvait faire croire à des touristes que le cerf brame au mois d'août alors qu'il ne brame pas avant la mi-septembre. Ça oui. vous a interpellé, ça. Mais oui, Nico nous dit, c'était top. Heureusement qu'il n'y avait pas de cerve là. Dans la boutique. Ah, mais c'est con, on l'a oublié celui-là. Et oui, parce qu'on a fait tout un tas de jeux de mots stupides hier avec cerf. Et ben voilà, il nous manquait cerf-là, puisque c'est vrai qu'il vous proposait donc, du saucisson. Manu, du saucisson et du fromage de cerf. Qui était quand même. Et c'est super bon le fromage de cerf. Oui. Parenthèse. Allez, Janine, elle nous dit « Mon Dieu, j'ai bien ri, merci, vous êtes super. À l'occasion, je pourrais vous raconter une histoire vécue d'arnaque lors d'un voyage, j'en ris encore. Mais faites-vous plaisir, Janine, sur notre page Facebook, racontez-nous seulement. » Et puis Willy, ah ah ah, encore une belle colle à pigeon. Anne-Laure hier nous parlait aussi du catalogue Ikea, et là aussi, pas mal de réactions. Oui, Karine nous dit, elle n'est pas la seule hein, d'ailleurs, quel gaspillage de papier surtout. Sarah parle de trop de blabla dans ce catalogue, revenons à l'essentiel. Déçu, je préfère me référer à leur site internet ou sur Pinterest pour avoir de plus belles idées d'aménagement avec les meubles Ikea. Laurent nous dit que ce catalogue fait vivre pas mal de monde, y compris en Belgique, lorsque, comme pas mal de pubs, il y est imprimé. Il faut savoir que le papier, le carton, mais quasiment tous les matériaux ont une seconde vie et que leur commerce est particulièrement lucratif. Je travaille dans l'imprimerie, je n'apposerai jamais l'autocollant, pas de pub, mais ma démarche va plus loin. Je n'emprunte pas les caisses sans caissière. Beaucoup se plaignent qu'il n'y a pas de travail, mais n'hésite pas à favoriser la disparition de celui-ci. Et ça c'est une réflexion oui. qui va très loin. Il y a encore sur les catalogues, oui, il y en a encore. Et puis juste Cam qui nous dit contente de l'avoir reçu et que cette année on ne me l'ait pas pillé. Mais oui, mais attends, moi c'est je vrai, l'ai jamais reçu dans ma boîte aux lettres. Alors soit mais si l'autocollant pas de pub, ça marche pas. Hein. Ah oui, mais non, il y a pas d'autocollant pas de pub. Enfin bref, je vais mener l'enquête. Et on termine avec les cantines scolaires. On en a parlé hier. Le débat s'est poursuivi pendant de très nombreuses heures. Oui, alors. Chapeau, chérie. Je crois que pas mal de gens exigent des cantines scolaires, des mesures qu'ils sont eux-mêmes très très loin de respecter. Je me souviens de la cérémonie du lait à 10h à l'école. Un élève était chargé de percer l'opercule de chaque bouteille à l'aide de son crayon. À l'heure actuelle, on crierait au scandale. Et Christelle, arrêtez de prendre les écoles et leurs cantines pour des restaurants gastronomiques et apprenez à vos enfants à manger de tout. Ce serait peut-être mieux pour tout le monde. Marque une pause, vous pouvez continuer à réagir évidemment sur la page Facebook ou par SMS 30 63 50 centimes le message. Il y a Elton John qui arrive et puis nous téléphonons à Michel qui a un souci avec un miroir chauffant. Qui est sous garantie, on se demande ce que c'est qu'un miroir chauffant. Il a un problème de garantie, oui. On s'en fout. On veut savoir ce qu'un miroir chauffant. Chauffe, réponse là. Dans 4 minutes. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célibes, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Ouais, il a trop une tête de Pikachu lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un Huawei P9 Lite à seulement 9€ avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Vous ne rêvez pas. Vassieu Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à lattes. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vassieu Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Et oui, la fête continue chez AJD Caravane et Motorhome à Neupré. Vous êtes invités aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi des derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravane et Motorhome, route du Condro à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur ajd.be. Bye bye. cold in your little corner of the world. You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Soldiers in their row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in a row. Of me, do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, Nikita is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in a row. Que faisiez-vous en 1985 sur ce slow d'Elton John, Nikita, Aurore? Ben, pas grand-chose à cet âge-là. Quel âge? 85, 8 ans. Ok, pas grand-chose. Annie, vous aviez quoi? Voilà. Ça ne me demandait pas mon âge. Oui, c'est ça. Jacques. Moi, je fêtais ma sortie de Réto, dernière année de l'humanité. Ouh. Alors vous avez peut-être fait une chose. Ouais, t'as essayé d'emballer, toi, sur Nikita. Je le sais, ça se voit, il y a l'œil qui pétille, là, l'œil qui pétille. Bonjour. 11h19, nous accueillons sur l'antenne de Vivacité Michel. Bonjour Michel. Bonjour. L'an dernier, vous achetez un miroir. Exact. Qui a beauté parfaite et pure ? Célèbre est ta beauté, Majesté. Pourtant, une jeune fille en loque, dont les haillons... C'est ça qui vous a dit le miroir. Donc, vous avez acheté un miroir magique ? Non, pas vraiment. Bah si, attendez, excusez-moi, c'est pas un bête miroir. Non, c'est pas un bête miroir. C'est un infrarouge, donc de 900 watts, oui. Qui se situe dans une salle de bain, oui. et qui donne une source de chaleur avec un thermostat. Ah d'accord, donc c'est vraiment un miroir chauffant, genre un radiateur miroir. Exact. Ah bah je savais même pas que ça existait ça. Et ça chauffe bien, Michel ? Comment dites-vous ? Ça chauffe bien ? Oui, très bien, ça chauffe, je veux dire, tous les éléments, donc c'est un petit peu comme le soleil. Il y a un nuage qui passe devant le soleil, on ne sent plus la chaleur, mais là, la chaleur se donne sur les meubles, en somme. Mais sur vous aussi, on espère, vous pouvez être tout nu dans votre salle de bain, quand même, devant votre miroir. Oui, ah bon ? Est-ce que, c'est ça, est-ce que vous séchez en vous regardant ? Non, pas du tout. Quand même pas. Bon, le problème, c'est qu'il ne marche plus, ce miroir. Mais il fonctionne. C'est qu'il fonctionne, mais c'est que le souci, c'est que les miroirs se pèlent, en somme. Hein ? C'est-à-dire quoi ? Mais quand vous dites le miroir, quand vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez ? Mais je me vois. Oui, d'accord, mais à part vous, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe avec ce miroir ? Je vois qu'il se pèle sur les côtés. Vous êtes sûr que c'est pas vous qui pelez ? Ah non, j'ai bien mis ma crème, vous pouvez le dire à Annie. D'accord. Donc, mais quoi, c'est quoi, c'est la structure du bord ou c'est le miroir en tant que tel ? Qu'est-ce qui pèle ? C'est le miroir lui-même qui se pèle en somme, hein. D'accord. Ah, c'est un peu curieux, on rit parce qu'on imagine la scène. Oui, mais donc ça veut dire qu'à un moment... En fait, on vous imagine tout nu devant votre miroir qui se pèle. Oh là, c'est tout pelé, là. Bon, le problème, on rigole, mais le miroir a un an, et c'est ça qui pose souci, c'est qu'il est encore sous garantie. Au magasin, on vous a dit quoi au magasin ? J'ai téléphoné au monsieur qui m'a vendu cet appareil. Oui. Il est venu plusieurs fois à la maison, mm-hmm. et le 22 juin, je lui ai encore téléphoné, et il me dit ceci, que le 5 juillet, il devait aller à Francfort régler ce problème lui-même. D'accord. Donc, depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Nous sommes début septembre, et j'aimerais bien savoir où... Où est votre... Bah non, le miroir, il est chez vous, mais où en est ce dossier, Annie ? Alors, le miroir, il faut quand même rappeler que ce n'est pas un achat anodin, près de 750 €, 1m60, garantie 5 ans, ça c'est important, on est dans la première année. Et donc, le miroir est de marque allemande, c'est pour ça que Michel parle de Francfort, voilà. Alors, le vendeur s'est donc déplacé pour venir constater le problème, et donc on s'étonne évidemment que depuis la visite, il n'y ait plus de nouvelles. Moi, j'ai envoyé un mail, pas trop de réponse. Et donc, la demande de Michel. Votre demande à vous, Michel, c'est soit vous me remplacez puisqu'il est sous garantie, ce fameux miroir, ou alors vous me remboursez. C'est bien ça, votre demande ? Oui, voilà, c'est ça, exact. Bon, alors, si vous n'avez pas de nouvelles, on va donner un petit coup de fil au magasin. Direction le magasin qui s'appelle le magasin... Acheter Futé. On est dans quelle région, là, avec vous, Michel ? Michel, il habite à Couvain, mais le magasin se trouve à Anderlu. D'accord. Acheter Futé. Donc, on est dans le Hainaut. Pourquoi vous faites Hainaut ? Oui. Parce que ça commence par... Allô ? Ah non. Non. J'ai cru que... Alors, on a un fixe et un portable, donc je vous propose d'essayer les deux. Voilà, bon, ça c'est le fixe, donc on essaye l'autre numéro. On va demander à Zoé au standard de former le deuxième numéro pour relancer la machine et tenter de joindre quelqu'un chez HTF. Michel, il pèle vraiment fort votre miroir ? Mais il ne se voit plus dedans. Vous voyez encore un peu dedans ? Michel ? Oui, je vous écoute. Vous voyez encore dans le miroir ? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, mais s'il pèle, il y a un moment où vous ne vous verrez plus. Je dis c'est le début, donc quand ça commence, bien souvent, ça ne s'arrête plus. Il y a quelque chose, il y a un souci. Oui, évidemment. Bon, là, pour l'instant, ça sent un petit peu mauvais. Oui, allô ? Allô ? Oui ? Allô, je suis bien chez HT Futé ? Oui, bonjour. Sébastien Nolvaux, vous êtes en direct sur Vivacité. L'émission n'est pas des pigeons, je me permets de vous déranger, monsieur, parce qu'on a un de vos clients, Michel. J'ai reçu votre mail et c'est pour ça que je vous réponds, parce que vous me téléphonez en numéro privé et je ne réponds jamais. Écoutez, on a une chance inouïe sur ce coup-là. Donc, c'est parce que je me doutais que c'était vous que je me suis permis de répondre. Eh bien, vous faites bien. Donc, si vous avez... Je ne supporte pas les gens qui téléphonent en masqué. Ah oui, mais enfin, c'est parce qu'on aime bien se déguiser. On met des masques. Si vous nous répondez, c'est que vous avez une bonne nouvelle, peut-être, pour Michel et son miroir qui pèle. Je vais dire, dire ceci. Bon, ce qu'il y a, c'est que pendant, donc j'ai vu ce monsieur suite à une réclamation qu'il m'a faite en son temps, donc dans le courant, je crois que c'est mai ou juin, je ne saurais plus vous dire. Bon, j'ai été fort souffrant entre-temps, j'ai fait un affaire, donc... Rassurez-nous, ça va actif. Oui, ça va, okay. Ça va, autrement je ne répondrai pas. Pas faux. Donc j'ai, ben, malheureusement, donc, j'ai été souffrant et j'ai repris mes activités il y a moins de 15 jours. Bon, je n'ai pas encore repris son dossier, je veux dire, à ce niveau-là, parce que, en fait, le problème, c'est de l'ordre, enfin, sauf si ça a changé entre-temps, c'était l'équivalent d'une pointe, d'une aiguille. Ouais, mais comme il dit, si ça commence avec une pointe d'aiguille, ça risque de se prolonger par la suite. Bon, disons que au niveau de l'usine, c'était pas urgent puisque le miroir fonctionne en fait. Ouais. Pardon. Le miroir fonctionne. Donc il n'y a pas d'urgence pour vous et pour l'usine. Excusez-moi, mais je vous réponds parce que il n'y a pas d'urgence puisque moi, de mon côté, j'ai été hors circuit pendant 6 semaines. Oui, non, mais ça, on peut comprendre que s'il y a des raisons médicales, qu'on mette l'activité entre parenthèses pendant quelques temps. Mais là, vous, congé du bâtiment, donc j'en ai profité. Voilà. Là, vous pouvez dire à Michel que vous reprenez son dossier en main et que vous allez le solutionner. Le dossier et comment je dire, il y a pas de souci, je veux dire, à ce niveau-là. Il a déjà eu un premier souci avec un miroir, il a été remplacé. Hein. Voilà, donc ici, vous prenez le dossier en charge et on comprend effectivement qu'il y a eu un contretemps pour des raisons médicales. Monsieur, donc, est-ce que je pourrais vous rappeler au mois de septembre pour voir un petit peu où ça en est? Oui, bien sûr. On va faire ça. Je vais essayer de faire attention. Faites-moi un petit mail avant. On va faire ça. On s'appelle, on se fait une bouffe, la totale. On fait comme ça. Michel, vous avez entendu le dossier. On a compris pourquoi monsieur avait mis un peu ses activités entre parenthèses. Mais là, le dossier est remonté au-dessus de la table. Et on s'en charge du côté du magasin HT Futé. Et nous, on tient ce dossier, évidemment, à jour. Puisque Annie va suivre. Je me ferai l'intermédiaire entre vous et le magasin. Les frères de la Vega arrivent dans un instant sur Vivacité. Et puis, dans la suite du programme, il y aura le journal Conso. Un petit mot sur ce journal Conso. On parle de quoi? D'avion sans pilote. Non, arrête, ça me fout les boules, ça. En télé, sur la une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la une. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de... vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Cet été, changez de véhicule tout en conservant votre budget vacances. Profitez de conditions Summer Days chez Peugeot Bruxelles sur plus de 900 véhicules d'occasion et de direction disponibles immédiatement. Rendez-vous dès maintenant chez Peugeot Mézère et Peugeot Uccle Drogenbos. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Moi, j'aime tout ce qui est cuisiné au four parce que c'est assez facile à préparer. Alors, vous ne trouverez pas mieux que notre super poulet à rôtir. Un petit. Oh oui, du sel, du poivre et hop, au four. C'est tellement facile et c'est toujours un succès. Oui, vous êtes sûr de ne pas faire un four? Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre super poulet à rôtir est à seulement 2,25€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme en vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur un rocher. se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. C'était... C'est quoi ça, le cœur éléphant? Le cœur éléphant, c'était donc Frérot de la Vega. Ils ont passé un peu trop de temps sur la dune de Pila, ces deux-là. On va sur les routes, Caroline Gillet, comment ça se passe? Eh bien, c'est plutôt calme. Après une matinée assez chargée, on a tout de même cet accident qui s'est produit sur le 403 Tournai-Bruges peu après Templeuve. La voie de droite est neutralisée. Il y a des files dans lesquelles vous perdez une vingtaine de minutes en direction de Bruges. Quelques ralentissements aussi sur le 411 Namur-Arlon. Là, c'est un chantier qui est en cause. Vous ralentissez à hauteur d'Achennes sur 2 km en direction d'Arlon. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h32 pile poil, c'est le journal de la conso. On ouvre la Libre Belgique pour débuter. Libre Belgique qui fait le point sur les changements qui entreront en application demain en matière de justice. Annie, ouvrez bien vos oreilles. Oui, le grand changement, c'est que l'avocat Prodeo ne sera plus gratuit. Le but est de responsabiliser les personnes qui répondent aux, conditions pour bénéficier de l'avocat Prodeo. Elles devront, ces personnes, maintenant payer une sorte de ticket modérateur de 20 euros dès le départ, on va dire pour ouverture du dossier, et ensuite 30 euros à chaque étape d'une procédure judiciaire. Et en plus, et là aussi nouveauté, si l'avocat permet à son client de recevoir de grosses sommes d'argent, et sous certaines conditions, eh bien son client devra verser une indemnité d'un montant égal, voire supérieur, à celui que l'avocat aurait reçu dans le cadre de l'aide juridique classique. Ouh là là. Oui, avec un plafond à 150% quand même. Alors, pour avoir droit à l'aide Prodeo, jusqu'ici, les conditions, c'était d'avoir certains revenus. En tout cas, c'était calculé sur base des revenus. Et bien maintenant, ce sera sur base des moyens d'existence. Ce qui veut dire que si vous avez... Ça paraît déjà un peu plus logique, ça. Si vous avez, si vous percevez des loyers, bah oui... Ça a bonne chance pour prouver tout ça. Avant, c'était basé sur l'avertissement extrait de rôle que vous étiez obligé, que vous êtes toujours obligé de produire. Maintenant, on va vous demander tous vos moyens d'existence. Mais bon, voilà. Il y en a toujours qui passeront à travers, mais ça va faire du mal parce que la justice est déjà très chère et maintenant, les gens qui s'adressent et qui demandent le Prodeo, ils sont déjà vraiment dans la dèche. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et donc, si en plus, maintenant, ils commencent à faire payer, à mon avis, les tribunaux vont être déserts. 30 euros par procédure, par étape de procédure. Il faut voir aussi ce qu'on entend par étape. Vaste débat, on est d'accord. On poursuit avec la DH qui vous donne les ficelles des banques qui augmentent leurs tarifs. Comment ils font pour augmenter leurs tarifs? Donc en fait, les banques sont obligées, quand elles augmentent leurs tarifs, d'en avertir les clients. Ouais. Par contre, elles ne sont pas obligées de préciser quels postes ont été augmentés. Et du coup, c'est un petit peu difficile de savoir ce qui change vraiment et de, par exemple, aller voir ailleurs en comparant. Quels sont les petits trucs donc, des banques, justement, pour faire ces augmentations ni vues ni connues? Ben, déjà, la date de changement. Elles peuvent faire le changement des nouveaux tarifs et donc augmenter quand elles veulent. Donc si, au lieu de le faire le 1er janvier ou au moins le 1er du mois, ça se fait pendant le mois, bah, ça passe déjà un peu plus inaperçu. Autre truc, c'est que souvent, les frais bancaires sont prélevés par domiciliation. Bah, du coup, on ne se rend pas compte du changement, on ne fait pas attention. Mmh. Astuce suivante, diminuer le nombre de services gratuits. Là aussi, ça ne se voit pas directement, puisqu'on ne voit pas vraiment les tarifs augmenter, mais il y en a moins de gratuits, donc quelque part, ça augmente. Ou encore, augmenter les tarifs de remplacement des cartes perdues ou volées. Là encore, on ne le voit que le jour où on perd sa carte. Oui, effectivement. Donc, voilà. Donc il y a tout un tas dans la DH de petites astuces des banques. Soyons vigilants. Et on se rend compte qu'au final, la banque nous coûte beaucoup d'argent. Il n'y a plus de service gratuit. Pour ce qu'elle nous rapporte finalement sur notre petit livret. On termine avec Le Soir qui parle de taxi volant. Oui, ça ressemble à un film de science-fiction et pourtant c'est le PDG d'Airbus qui le dit et je le cite, « Dans un avenir pas si lointain, nous utiliserons nos smartphones pour réserver des taxis volants entièrement automatiques qui atterriront devant notre porte sans pilote. » Et il dit pas ça, oui. C'est comme dans le film... Ça n'est qu'un élément. Non, ou y a-t-il un pilote? En fait, on va se poser la question. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous avez l'autorisation de décollage. Roger. Hein? Fréquence radio au décollage, Los Angeles, 123,9. Roger. Hein? Donc, en même temps qu'on entend ce genre de communication entre un pilote et sa tour, vaut peut-être mieux. Non mais sérieux, un taxi volant sans pilote? Oui, ils sont en train de faire des tests, hein, donc ils travaillent sur deux projets de taxi volant autonome et les premiers vols avec le prototype auront lieu en 2017. Et qui vont mettre dedans? Donc c'est prochaine, bientôt. Non, mais attends, il y a un mec qui va se sacrifier pour monter là-dedans. Mais non, il n'y aura pas de pilote. Oui, donc mais le taxi, il faut que quelqu'un monte dedans. Ah oui, oui, pardon. Non, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va devoir monter. Sans passager au départ. Ils ont fait appel à candidat, vous pouvez toujours peut-être vous présenter, mais il y a déjà des voitures sans pilote. Hein. Oui, non, mais non. Je pense que pour les prototypes au départ, ils vont le faire sans passager. Mais après, où ils vont décider de faire le test avec un passager, c'est ça, qui acceptera? Peut-être le PDG en question d'Airbus. Ils vont tirer au sort. Oh là là, non, ça, je monte pas là-dedans. Le personnel d'Airbus, vous imaginez. Je ne monte pas là-dedans. Bon, ben voilà, c'est peut-être l'avenir aussi. Le taxi volant sans pilote, pourquoi pas. On marque une pause. Maroon 5 arrive et puis nous prendrons la direction de la côte belge. On a mené une petite enquête. Est-ce que les tarifs sont plus chers quand il fait beau, en pleine saison, qu'en hiver, en pleine pas saison finalement? Bonne question. On verra ça avec Olivier Corren qui a passé ses 2 mois de vacances là-bas. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules... et demandez à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. C'était top, les vacances. Oui, mais c'est la rentrée chez Espace Mode. Et ça, c'est super top. Hommes, femmes ou enfants, découvrez les nouvelles collections des marques les plus tendances. Participez à notre concours Back to School et tentez de gagner des shootings photos et des chèques cadeaux enfants. Conditions sur notre page Facebook. Espace Mode sera ouvert dimanche 4 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Perouet et à Genneval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus? Info brusselsbywater.be. Viva Bruxelles présente... Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. motamo.be. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. C'était Maroon 5 sur Viva. On n'est pas des pigeons. On prend la direction de la côte belge. Olivier Coren a passé toutes ses vacances là-bas. Il y est toujours. Olivier, ça va? Il fait beau à la mer? Magnifique, le ciel est bleu. Alors, voilà, on vous a envoyé à la mer parce qu'on s'est posé une question, hein, finalement. Est-ce que les prix varient hors saison et en saison? En gros, est-ce que si on va à la mer, dans les restos ou dans les magasins, on paye plus cher en juillet-août? Et donc, vous avez comparé les prix au littoral. Vous avez acheté quoi? Comment vous avez opéré? Assez simplement, hein, au mois de juin, je suis allé jusqu'au stand, faire un petit tour sur la digue. Et puis bon, quand on arrive, on passe par le restaurant, on goûte produits de la mer, tomates crevettes par exemple. Et puis on va faire un petit tour dans un magasin de souvenirs. On mange une petite glace, on fait un tour en Quistax. Donc voilà. Et puis, on fait un métier difficile, hein. Voilà. Oui. Hein, qu'on fait un métier difficile. Surtout qu'il a fallu y retourner au mois d'août. Voilà, exactement. Et faire à peu près la même chose. Et puis regarder les prix, bien entendu. Eh bien, les résultats. Ouais. C'est quoi? Les résultats, c'est que ça change vraiment pas. En tout cas, c'est un coup de sonde, hein, ici, puisque je suis allé dans un restaurant, le tomate crevette était à 19,50. Il restait en juin, donc il restait au même prix au mois d'août, 19,50. On peut acheter quoi? Un moulin à vent, par exemple, vous savez, les petits trucs colorés comme ça, 12 €, c'est 12 €. Une glace à 1,50, ça reste 1,50. Donc, rien n'a changé. Le tour de Quistax, c'est le même prix également, 10 € la demi-heure. Rien du tout, pas. Et en même temps, c'est assez étonnant parce qu'on a tous en tête l'idée, on en parlait juste avant de vous avoir à l'antenne, en France, Annie, dans le sud de la France, oui, il y a des endroits où on paye plus cher. On paye plus cher, mais on paye, par exemple, juin, c'est déjà le début, on va dire, de la saison touristique. Non, mais c'est plutôt c'est rassurant. C'est assez rassurant. Donc là, on vient de soulever un préjugé. Cela dit, votre tomate crevette, Olivier, c'était en plat principal, j'espère, parce qu'à ce prix-là. Oui, c'est cher. Tout à fait. C'est plus cher ou quoi? Tout à fait. Il y en avait deux. Est-ce que les commerçants ont le droit de changer les prix en fonction de la saison? Alors, ils ont tout à fait le droit de changer les prix. Bien sûr, on connaît l'immobilier, les appartements, on sait que ça fonctionne comme ça. Bon, ici, c'était tout de même un petit peu la surprise parce qu'ils ont le droit de changer de prix. On a posé la question au service public fédéral économie. Mm-hmm. En effet, ils peuvent changer, mais il y a bien entendu, des produits où on ne peut pas changer les prix, hein, qui sont réglementés, les médicaments, par exemple, le tabac, le vin, les carburants. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais en matière de souvenirs, en matière de restaurants, en matière de Quistax, on peut le faire, mais ils ne le font pas au stand. Bon, c'était juste un coup de sonde, hein, on a essayé sur une dizaine, quinzaine d'articles. Bon, maintenant, ce qu'on va vous proposer, dur métier, mais on va y retourner en hiver. Pourquoi pas, pour aller voir un peu les prix, si ça a vraiment changé en complètement basse saison. Et voir si le Quistax est toujours ouvert. Si le Quistax est toujours ouvert, il va aller se les geler sur la digue. Olivier, on voit votre reportage ce soir à la télé à partir de 18h30. Bonne balade. Pour bien

dites Grand Jacques. Oui. On va revenir sur une info parue il y a quelques jours sur tous les sites info de la presse belge. Mais oui, un titre qui n'a pu que retenir mon attention, forcément, un titre qui disait, je cite, « Même à Bordeaux, on ne trouve pas pareil vin. Les vins belges de l'année 2016 seront de grande qualité. » Bonne nouvelle a priori, mais sur quoi se base ce genre d'information? Alors en fait, en l'occurrence, là, l'info venait d'articles de la presse flamande au départ, de Morgan et Udbolang van Limburg, ouais. Avec une interview d'un professeur de l'université d'Hasselt. Alors pour résumer, l'article dit ceci, malgré un mauvais printemps où les raisins n'ont pas pu se développer correctement, où les vignobles ont été touchés par un gel tardif et des averses de grêle, malgré ça donc, si les conditions météo actuelles se maintiennent, la qualité de cette cuvée 2016 devrait être meilleure que l'an dernier, mais avec une diminution de la quantité produite de 10 à 15%. Et l'article précise qu'on pourra donc parler d'année faste pour le vin belge. Alors je me suis dit, allons voir ce qu'en pensent les producteurs wallons, la réalité du terrain, on sait qu'on produit du vin en Wallonie et du vin de qualité. Mais du côté des vignerons, on est apparemment loin de partager le même optimisme par rapport à cette année 2016. Vous savez ce qu'on va faire? Allons-y. On prend la direction de Bioul, le château de Bioul. On accueille sur l'antenne de Vivacité Vanessa Wickmans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire du vignoble du château de Bioul. On est dans la région de Dinan, hein, Maretsou, pour situer. Oui. Quelle est votre réaction, vous, quand on vous parle dès aujourd'hui que on parle d'année faste pour le vin belge? Mais ma réaction personnelle, c'est vrai que je ne partage pas du tout ce point de vue. D'abord parce que je pense que les vignerons, avant que le vin ne soit en cuve, ils ne se prononcent pas. Parce que ce soir, il peut grêler et c'est terminé. Mm-hmm. Donc c'est vrai que par superstition ou je ne sais pas pour quelle raison, c'est vrai qu'on n'aime pas de parier sur la qualité du vin avant qu'il ne soit en cuve. Et comme vous avez dit très justement là, en introduction, y a quand même trois facteurs qui ont été très embêtants cette année. Le climat, les grêles et la gelée de printemps. Donc c'est vrai qu'il y aura moins de vin, mais à mon avis, il y aura moins que 20%. Et donc la bonne nouvelle n'est qu'une bonne nouvelle mitigée. C'est vrai que si on ne garde que 40% de sa production, le vin est bon, ça c'est vrai, mais bon. Ce n'est jamais qu'une demi-bonne nouvelle. Voilà, ça c'est mon point de vue. Mais par rapport à l'année dernière, pour vous, cette année-ci s'annonce mauvaise? Mais mauvaise, c'est vrai que je vous dis, je ne me prononce pas dans un sens comme dans l'autre. C'est vrai qu'il y a peu de vin et donc ce qui est là est bon, jusqu'à présent en tout cas. Alors, il fait beau depuis quelques jours, mais ça ne suffira pas. C'est vrai que ce qui favorise au mieux une belle cuvée, c'est surtout des belles arrière-saisons. Ça c'est vrai. Donc, on est bien parti pour le mois de septembre et le vin, c'est à ce moment-là qu'il va mûrir. Et donc, c'est vrai que ça s'annonce bien au niveau de la météo. On peut rattraper le retard, quoi, en gros. Ça peut rattraper le retard sur les prochaines semaines. Alors, rattraper le retard, pas, mais rattraper quelques jours, oui. Et être très bénéfique, vu tous les problèmes qu'on a rencontrés jusqu'ici, oui, ça c'est vrai. Les vendanges auront lieu quand cette année? Alors, c'est vrai qu'au château de Bioul, on vendange particulièrement tard, mais j'entends mes collègues qui me disent qu'ils commenceront à peu près mi-septembre, voire fin septembre, et on sera, à mon avis, tous à pied d'œuvre tout le mois d'octobre. Mais il y aura quand même une forte diminution de la production, vous attendez mais de ce que moi j'entends de mes collègues et nous, oui. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas dans toutes les plantations et je ne connais pas les rendements de tout le monde, mais moi, ceux avec qui j'ai pas mal de contacts, non, on n'est pas... On était très contents de 2015. 2016 s'annonce quand même beaucoup plus difficile. En tout cas, pour nous, Château Bioul, c'est évident. Alors, à quel moment de la saison vous allez pouvoir vous rassurer, effectivement, par rapport à la quantité et à la qualité du vin qui sera produit cette année-ci? Eh bien, ce sera quand on fera la fête après les vendanges, donc à la polée. Là, une fois que tout est en cuve, après, bon, il tient qu'à nous à ne pas se tromper en vinification. Mais à ce moment-là et à ce moment-là seulement, on aura... un compte-rendu et une opinion sur la récolte 2016. Bon, quand vous avez fini de vendanger, quand tout est en bouteille, quand on peut boire, vous nous appelez? On fait ça? Ça avec plaisir. On viendra déguster. Merci, allez, et puis bonne vendange déjà un petit peu à l'avance. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de... Je me baladais l'autre jour sur la vallée de la Meuse, c'est vrai qu'il y a pas mal de vignobles. C'est assez hallucinant dans ce pays de plus en plus depuis quelques années, alors qu'il y a 10-15 ans, il n'y en avait que quelques-uns. C'était complètement un petit peu confidentiel et inaperçu. Maintenant, il y en a un peu partout et le vin est bon. Comme partout, quand le vin est tiré, il faut le boire et quand le vin est bu... Il faut se tirer. Bah ouais, c'est connu. Bon, Wham arrive. Souvenir des années 80, George Michael et son copain. Wake me up before you go. Ça va nous emmener gentiment, mais gentiment, jusque midi. Quelle année est sorti ce morceau? C'était 1984. Sur la page Facebook, on vous pose une question. Demain, c'est la rentrée. Ce jeudi 1er septembre, Complètement Foot fait sa rentrée avec les Diables Rouges. Dès 20h, suivez la rencontre amicale Belgique-Espagne en direct du stade Roi Baudouin avec Thierry Luters et Manuel Jousse. Et jusqu'à minuit, vous avez la parole pour commenter toute l'actu du foot. Avec David Oudret, Pascal Chimé et Alex Teclac. Complètement Foot. Le retour diablement attendu, ce jeudi sur Vivacité. En télé, sur la Une. Pour la rentrée de Lieux Interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des Lieux Interdits ce vendredi soir sur la Une. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Et cette question sur la page Facebook, elle est d'importance. Nous sommes le 31 août. Ça veut dire que demain, nous sommes le 1er septembre. Et ça va pleurer dans les chaumières ce soir. C'est la rentrée des classes. Ça va, mais des petits, hein. Oui. Maternelle, primaire. Oui, mais quand même. Et certains du premier, première année secondaire. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait des cartables aussi à acheter. Il n'est pas trop tard, et encore l'après-midi. Et on vous pose une question sur Facebook à propos des cartables. On en parlera avec Anne-Laure dans la deuxième partie. C'est lourd en cartable, hein. C'est super lourd en cartable. Des fois, tu soupèses le cartable de ton gosse, tu dis, mais il est revenu avec le bureau, quoi. C'est pas possible. Oui. Et vous avez des choses à nous dire ? Faites-le sur la page de notre émission, bien sûr, on n'est pas des pigeons. Votre cartable, est-ce qu'il est déjà prêt ? Est-ce que vous l'avez déjà choisi ? Ou au contraire, est-ce qu'il vous reste l'après-midi pour aller l'acheter ? Et quels sont vos critères pour choisir un cartable ? Il n'est jamais trop tard, on attend vos commentaires, on les lira dans la deuxième heure de cette émission. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Justine Hermance. Bonjour Justine. Bonjour à tous. La rentrée scolaire en maternelle et en primaire, c'est demain. Les élèves du secondaire, eux, reprendront le chemin de l'école au fur et à mesure dans les jours qui arrivent. Et certains élèves de première secondaire n'ont toujours pas d'école. Ils sont 259, dont 242 rien qu'à Bruxelles. Il s'agit d'enfants qui n'ont pas reçu de place dans les écoles de leur choix et qui n'ont pas voulu accepter une autre école. Cette situation est particulièrement vraie dans le nord de Bruxelles. Olivier Rimaud doit inscrire son fils et sa fille en première secondaire. Il habite Relleghem en périphérie bruxelloise et ses enfants ont fait leur primaire à Laeken. Or, à l'heure qu'il est, ils n'ont pas trouvé de place, ni dans cette école, ni dans les deux autres qu'ils avaient choisies. Geoffroy Fabré l'a rencontré. On a fait le choix de trois écoles parce que ce sont ces trois écoles-là qui correspondent à ce que nous, on attend. Voilà, on attend une réponse à l'heure qu'il est, à 48 heures de la rentrée. Eh bien, on n'a toujours pas de place pour les mômes, mais ça fait 5 mois qu'on vit dans l'incertitude. On dit souvent que c'est un problème de gens privilégiés, que c'est des gens qui ne veulent pas se mélanger à une certaine population. Eh bien, je crois que c'est faux et archi-faux. En tout cas, je vais parler pour mon cas personnel. Mon épouse est d'origine marocaine, elle est musulmane, elle a grandi dans les quartiers très défavorisé, comme on le dit, avec une très très grosse famille. Moi, personnellement, je suis belge, agnostique, et j'ai toujours été mélangé. Dans les écoles du nord et de l'ouest de Bruxelles, on a toujours été mélangé. Je ne vais pas stigmatiser ceux de l'est de Bruxelles, mais si vous allez inscrire vos gosses dans une école de Boisfort, la mixité, elle n'existe pas. Hein. Vous allez inscrire vos enfants dans un quartier défavorisé, la mixité, elle n'existe pas non plus. Donc moi, je suis pour la mixité. C'est pour ça que ces trois choix d'école sont vraiment des écoles mixtes, mais qu'on laisse le choix aux parents. Notons qu'il reste encore à Bruxelles au moins 1500 places en première secondaire, selon la CIRI, la commission chargée d'attribuer les places. Vous êtes 80 000 à l'emprunter chaque jour. Il fête ses 30 ans aujourd'hui. Le tunnel Léopold II à Bruxelles, c'est le plus long de Belgique, près de 2,5 km. Il a fait parler de lui il y a quelques mois, après la chute d'un fragment de béton. Il sera rénové à partir de 2018. Les travaux dureront plus de 3 ans pour un montant estimé à 180 millions d'euros. D'autres tunnels ont également connu quelques épisodes douteux récemment, Rogier, Botanique ou encore Stéphanie. Les 26 tunnels bruxellois devraient pour la plupart être rénovés d'ici 10 ans. Nous vous parlions ce matin du cas de Bilen Ceren, cette jeune Belge de 24 ans d'origine turque, emprisonnée en Turquie depuis quasiment une semaine, alors qu'elle était en vacances. Sa mère est particulièrement inquiète, vous l'avez entendu dans le journal de 8 heures. Mais les affaires étrangères, Lionel de Neubourg, n'ont pas de confirmation de son arrestation pour l'instant. Non, le contact belge tente d'obtenir des infos depuis lundi, mais aucune confirmation pour l'instant. D'après sa mère, la garde à vue de Bilen Ceren aurait été prolongée jusqu'à demain au moins. Les affaires étrangères vérifient pour l'instant si la jeune fille a la double nationalité belge et turc. Et dans ce cas-là, la Belgique devrait se limiter à une simple aide humanitaire. Lionel, pourquoi cette jeune fille a-t-elle été arrêtée ? Difficile de le savoir exactement, mais selon la presse turque, la jeune étudiante aurait des liens avec la mouvance terroriste d'extrême gauche, ce que dément formellement sa mère. Bilen Ceren est coprésidente d'une organisation de jeunes socialistes. Sur sa page Facebook, elle s'est montrée assez critique envers le président Recep Tayyip Erdogan. Et on sait que pour l'instant, c'est plutôt risqué en Turquie. Merci Lionel de Neubourg pour ces précisions. Un beau geste de Thierry Henry, le nouvel entraîneur adjoint des Diables Rouges, à en croire les informations de Sport Foot Magazine. Il versera son salaire à des œuvres caritatives belges. L'ancien attaquant de la France va toucher plus ou moins 50 000 euros par an pour ce poste. À noter que Thierry Henry gagne déjà bien sa vie comme consultant pour la chaîne anglaise Sky Sports, qui lui verse un salaire annuel de 5 millions d'euros pour profiter de ses analyses. Un point sur vos conditions de circulation avec Caroline Gillet, et il y a un accident sur la E403. Exactement, dans le sens Tournai-Bruges, c'est peu après Templeuve. La voie de droite est neutralisée en direction de Bruges et vous perdez une vingtaine de minutes dans les files, donc en direction de Bruges. Et puis des ralentissements dans le chantier de l'E411 Namur-Arlon à hauteur d'Achène. Circulation ralentie sur 2 km vers Arlon. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons sur Vivacité avec Sébastien Nolvaux et toute l'équipe. Encore pendant une heure. Vivacité. On n'est pas des pigeons sur Vivacité. Et au programme de cette deuxième heure, justement, nous nous intéresserons au cas de Christine qui a acheté un amplificateur d'antenne. Et elle attend toujours son bel objet. Ben oui, c'est pas très cher, c'est sur le site d'un magasin belge. Alors on se dit, ben, il n'y aura pas de souci. Ben, de temps en temps, voilà, il y a des couacs. Et donc on va essayer de savoir pourquoi. Avec un achat sur Internet, ça faisait longtemps. Ben, en même temps, voilà. Mais enfin, je sais que ça va reprendre. Oui, évidemment. Avant 13h, on parlera aussi d'un site Internet très utile pour les personnes qui souffrent d'allergies alimentaires. Il permet de faire plus facilement le tri en fonction de vos besoins spécifiques. Et puis, demain, c'est le 1er septembre. On parle cartable, Anne-Laure. Oui, comment bien choisir le cartable, comment bien l'organiser aussi pour épargner le dos des enfants. Et les cartables qu'on pense être les meilleurs pour le dos ne sont pas forcément les meilleurs. C'est une question sur la page Facebook. Tiens, votre cartable, est-ce que vous faites attention à des trucs quand vous l'achetez? Oui, justement, quels sont ces critères auxquels vous faites attention? Dites-le sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. L'adresse est pigeon@rtbf.be. Laissez un message sur le répondeur au 070 222 660 ou envoyez un SMS au 3063, ça coûte 50 centimes. Et à ça, vous rajoutez un peu de musique. Et une musique qui secoue un petit peu, c'est celle de Coombs. On aura Delta aussi dans la programmation. Delta avec le nouveau, ça s'appelle Héréditaire. Vous passez à table, toute l'équipe vous souhaite un excellent appétit. On est encore ensemble jusqu'à 13h. Elle approche la chute et ça tes jolies jupes n'y font rien. Approche la chute, et même nos parachutes n'y pourront rien. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en souhaitant qu'en bas ce sera comme avant, qu'en bas seront morts en tombant, l'indifférent. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant. Nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant, en avant. Elle approche la chute et elle va droit au but, mais là de rien. Elle approche la chute, peu importe que tu luttes, tu peux plus rien. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas. Qu'en bas ce sera différent, qu'en bas seront morts en tombant nos vies d'avant. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant. On saura vite si c'est la fin. Un, deux, trois. Au bord du gouffre, nous avons fait un pas en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous avons fait un pas en avant, en avant. Il y a deux ans, il était au bord du gouffre, Marc Pinilla de Suarez. Visiblement, ça va mieux, puisqu'on a il n'a pas sauté. Il était de retour dans le jury de The Voice, donc c'est oui. plutôt positif. On n'est pas des pigeons. On vous parle d'un nouveau concept maintenant, concept très pratique pour les personnes qui sont allergiques, véganes ou végétariennes. C'est le site internet Casidomi. Vous connaissiez ce site autour de la pas table du tout. Non. On en parle avec Emma Evrard, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes la cofondatrice du site. Alors c'est quoi ce site Casidomi? Alors, c'est un concept assez nouveau. C'est un e-commerce de produits alimentaires santé. Donc, c'est de la vente en ligne de produits qui sont sélectionnés par des médecins nutritionnistes. Donc, ça, c'est une toute première. On sélectionne vraiment de manière très, très stricte nos produits sur base de toute une série de critères, comme pas de conservateurs, pas d'huile de palme, etc. Et puis, après, d'autre part, on aide le consommateur dans son processus d'achat en lui facilitant la vie avec des filtres. Donc, par exemple, s'il a des intolérances, des allergies, s'il est vegan ou quoi, il peut vraiment cocher différents filtres sur le site et alors avoir accès à un supermarché en ligne qui lui propose uniquement des produits qui répondent à ses besoins. Bon, bonne idée autour de la table. C'est vrai que ça peut être sympa oui. si on cherche oui, des produits... Mais personne. Oui. Mais est-ce que vos produits sont plus chers que d'autres avec tous les filtres que vous mettez? Alors non, pas spécialement. En général, ça tourne autour des mêmes prix que dans les magasins bio. Mais l'idée, elle vient d'où? Vous êtes vous-même allergique ou végétarienne ou végane ou... Oui, moi je suis intolérante au lactose, donc ouais. ça part un petit peu de ce constat. Moi j'ai toujours un petit peu galéré à trouver les produits qui me convenaient, je dois regarder chaque étiquette. Donc voilà, je voulais un petit peu soulager cette peine aux gens qui ont des restrictions alimentaires comme moi. Alors vous livrez partout en Belgique, je pense? Oui, exactement. Ben ça peut prendre du temps. Alors, entre le moment où moi je commande, je ne sais pas où vous êtes situé, vos bâtiments sont situés où ça? À Bruxelles, et ça va assez vite en fait. En général, les produits sont livrés dans les 24 heures après votre commande ouvrable. Ouais. Donc, si vous commandez maintenant, vous serez livré demain. Même et si j'habite à Arlon? Même si vous habitez à Arlon, oui. Et vous livrez aussi des produits frais? Qu'est-ce que... Parce que bon, je ne sais pas moi, du fromage ou du jambon? Alors non, on livre uniquement des produits secs. Alors ça a été pour toute une série de raisons, principalement parce que la majorité des consommateurs sont encore un peu sceptiques par rapport à l'achat en ligne de produits frais. Donc nous, on a décidé de se concentrer uniquement sur tout ce qui était sec. Et alors on va introduire très prochainement des compléments alimentaires. D'accord. Et vous vous fournissez où exactement? D'où viennent les produits en fait? Alors ils viennent de pas mal de différents fournisseurs qui se trouvent majoritairement, je dirais... dans le Benelux et la France. Et alors, pour des produits un peu plus spécifiques, là, il faut se tourner vers des produits un peu plus éloignés quand on veut acheter des superfoods et ce genre de produits. C'est plutôt Amérique latine, etc. Donc, on essaye quand même de travailler avec des marques assez locales. Donc, en gros, si je résume l'histoire, les personnes allergiques, végétariennes ou autres qui n'ont pas envie de passer des heures à chercher les produits qui leur conviennent dans le magasin vont sur le site internet, remplissent leur grille en fonction, leur profil en fonction de leurs différentes intolérances et ont une liste de courses. Ça s'appelle Casidomi, Casidomi.com. Merci de nous avoir parlé de ce site et fait découvrir un truc. Je crois que ça va aider pas mal de monde. Et si vous utilisez ce site, ben, dites-le nous aussi sur la page Facebook. Dites-nous ce que vous en pensez, entre autres, parce qu'on attend aussi vos réactions par rapport à la question du jour sur Facebook. Oui, on vous demande si votre cartable est déjà choisi pour la rentrée de demain. Quels sont les critères auxquels vous avez fait attention pour cet achat de cartable? Vous dites ça sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. Et on en parle dans quelques minutes avec Anne-Laure. Donc vous voulez qu'on installe un tapis roulant sur la digue? Voilà, c'est ça. De la panne à knock. Exactement. Eh ben ça roule. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be.

et un cartable. Il faut faire gaffe à un truc, c'est le poids du cartable. Oui, alors c'est un conseil qu'on entend souvent en tant que parent. Attention, il ne faut pas que le cartable soit trop lourd, ça abîme le dos des enfants. Mais est-ce qu'on a déjà pesé, est-ce que vous avez déjà fait l'exercice pour ceux qui ont des enfants de peser le cartable? Mais j'ai l'impression que peu importe l'âge de l'enfant, qu'il soit en première, primaire, qu'il soit en sixième ou en humanité, ça pèse des une tonnes. Une tonne, oui. Ça pèse une tonne. Eh bien, ça ne devrait pas être le cas, parce qu'idéalement, le poids du cartable rempli ne devrait pas dépasser 10% du poids de l'enfant en primaire et 15% en secondaire. Un exemple tout simple, un enfant qui entre en première primaire fait environ 20 kilos, il ne devrait pas avoir plus de 2 kilos sur le dos. Mmh. Or, évidemment, ils ont souvent beaucoup plus que ça. Moi, j'ai fait un petit exercice. J'ai pris un cartable, vraiment pas un cartable lourd, un cartable classique. J'ai mis une farde, une trousse, une farde dans la, à rabat dans laquelle on classe les feuilles. Ouais. J'étais déjà à 2,5 kg. Ah bon ? Rien comme ça. Ça, il faut encore ajouter donc, la boîte à tartes. Il faut ajouter la boîte à tartes, la boisson qu'on a pour 10 heures, etc. Donc souvent, nos enfants pèsent plus. Et ça a d'ailleurs été confirmé par l'école des sports de l'ULB qui va dans les écoles et qui fait des formations pour apprendre aux enfants à bien gérer leur cartable et aux adultes aussi à bien choisir le cartable. Ouais. Et aux profs aussi à ne pas renvoyer les enfants avec trop de trucs dedans. Ils ont pesé beaucoup de cartables. Et en général, le cartable rempli des enfants, des plus petits, fait entre 3 et 6 kilos. Oh. Pour un record, un cartable de 5e primaire qui faisait 11 kilos. Ah ouais, non, mais enfin, c'est affolant. Mais alors, c'est quoi le mieux affolant. Alors, au niveau cartable, c'est quoi le mieux? Alors, le mieux, donc, c'est d'abord de trier, de ne pas prendre trop dans le cartable, mais aussi, c'est le cartable en lui-même. Alors, c'est quoi le mieux? La star des cartables, vous savez, les enfants adorent, c'est le trolley. Le cartable à roulette, Aurore, ouais, exactement. C'est pas très beau, et c'est même trop laid. Et puis c'est pas pratique, c'est dans les écoles avec des escaliers, c'est compliqué. Eh bien oui Annie, mais beaucoup d'enfants aiment bien, les parents disent c'est mieux pour son dos, comme ça il ne porte pas. Bah non. Eh bien c'est le pire. C'est le pire cartable qui soit, parce que souvent, vide, il fait déjà 4 kilos. Ah oui, parce avec que tout le système, voilà, c'est très lourd. Ces roulettes sont gênantes quand l'enfant doit le mettre sur le dos, comme disait Annie, pour monter les escaliers. Eh ben, c'est souvent un petit peu gênant, ça fait mal l'armature. L'enfant aussi, même quand il le traîne, il a tendance à marcher avec une main derrière le dos, donc il a le dos complètement tordu, et donc c'est vraiment pas l'idéal, éviter les trolleys. Alors il y a le sac en bandoulière, un petit peu tendance, ça c'est pour les 4e, 5e primaire. j'ai mon sac bandoulière. C'est pas mal, sauf qu'il doit être adapté à la taille de l'enfant, pas être immense, avoir une lanière qui est réglable, c'est super important, et puis c'est dans des cartables dans lesquels on peut pas mettre beaucoup de choses. Il y a le cartable qu'on met au dos, type mallette, hein, la mallette qu'on a... Le classique, connu, on va dire. Le classique. Oui, si évidemment les bretelles de nouveau sont larges, bien adaptées, que le dos est renforcé. Un problème avec ces cartables, c'est qu'ils sont souvent trop grands et donc ils dépassent de chaque côté du dos de l'enfant et donc ils se cognent, ils se prennent toutes les portes et tout. Ça, c'est pas très pratique. Et puis comme ils sont grands, avec plein de rangements, on a souvent tendance à mettre trop de choses dedans. Le meilleur choix... C'est le sac à dos. C'est vrai ? Le simple sac à dos. Choisissez des bretelles bien larges, réglables. Évidemment, un sac à dos pas trop grand en fonction de la taille de votre enfant. Un renfort dans le dos, ça aussi, c'est bien utile. Et si possible, un fond qui est renforcé parce qu'évidemment, ça protège aussi le sac à dos et ça évite qu'il soit trop vite troué. Oui, et imperméable aussi parce que chez nous, il pleut souvent. Et donc, quand votre sac est un peu trop léger, tous les bouquins, les papiers, les machins... Ils prennent la flotte. Voilà. Alors par rapport au poids du cartable, juste un petit mot, c'est vrai que les écoles font de plus en plus d'efforts maintenant. Les profs, moi j'ai des enfants en primaire, les profs essayent de dire aux enfants qu'il faut trier, de prendre que ce dont ils ont besoin pour ramener à la maison. Donc ça, il fallait juste le souligner. Est-ce que ça coûte cher un bon cartable? Entre 50 et 160 euros. Ah oui, quand même, c'est déjà un bon... Rien que le cartable, il n'y a pas encore ce qu'il faut dedans. Rien que le cartable. Hein. Attention, ceci dit, parce que les cartables à roulettes sont souvent les plus chers. Hein. J'ai regardé la célèbre marque au petit singe, vous savez. Oui. Cartable à roulettes, 169 euros. Bien sûr. Voilà. C'est souvent le plus cher et vous l'avez compris, c'est le moins bon. Donc vous allez non seulement le calcul est vite fait. Voilà, vous allez faire des économies en évitant ces cartables à roulettes et en plus vous épargnez le dos de votre enfant. Bon, on va peser des cartables pour enfants ce soir à la télé. Il n'est pas trop tard, soyez vigilants si vous devez encore acheter un cartable cet après-midi. Suivez les conseils d'Anne-Laure. Et sinon, c'est ce soir à la télé et puis vous allez peut-être pleurer parce que vous avez acheté un truc bien cher et qui va faire mal au dos du gosse. D'abord vos corps qui se séparent, et seul dans la lumière des phares. T'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne,

chez Disneyland Paris, ils font les jours du oui. Ah oui? Alors on se demandait si t'allais dire oui. Oui. T'es sûr? Oui, oui. Parce que parfois tu dis oui et puis... Oui, oui. T'es sérieuse là? Oui. Oui, youpi! C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservé pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservé chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Vivacité La Une présente le Vaux-Rire, le Festival international du rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be. Il est midi 30. Les titres de l'info avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Dans les infos à 13h, on essaiera de comprendre ce qui arrive à Bilène Ceran. Bilène Ceran est belge d'origine turque, elle a 24 ans et elle croupit dans une prison turque depuis vendredi. Elle y était allée en vacances. Apparemment, on la soupçonne là-bas de faire partie d'une organisation terroriste. Ses conditions de détention sont épouvantables selon sa maman qui a pris la direction de la Turquie pour tenter de la rencontrer et les autorités diplomatiques belge semble un peu démunie. On fera le point avec le ministre des Affaires étrangères à 13h. On s'intéressera aussi à ses travaux dans un immeuble de logement social de Jemap, dans la cité du Coq. La société de logement social Toi et Moi a dépensé 900 000 euros, là où elle avait prévu de dépenser 30 000 euros. Travaux urgents et indispensables apparemment, mais gros dépassement de budget qu'il faudra donc expliquer. Enfin, verra-t-on bientôt des loups en Ardennes? Des loups sauvages, c'est possible. Certains évoquent l'idée de les réintroduire en Wallonie, mais ce ne sera peut-être même pas nécessaire parce que les loups sauvages, il y en a déjà en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et à tous les coups, ils seront bientôt en Belgique. Un retour des loups qu'il faut envisager et encadrer, bien sûr, même si ces animaux ne sont pas dangereux pour l'homme. On reparle de tout ça dans le journal de 13h. Oui, on nous dit qu'ils ne sont pas dangereux, mais est-ce que le loup sait qu'il n'est pas dangereux? Ah, non, mais voilà. Ça, il faut les prévenir aussi. Hein. On développe tout ça à 13h. On en parle avec Chaperon Rouge. Ouais. On n'est pas des pigeons. Coldplay sur Vivacité avec le groupe Avicii, c'était A Sky Full of Stars. Et c'est quoi ton problème ? Nous ? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. À 12h36, on dit bonjour Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Christine. Ça va bien Christine ? Oui, très bien, bonjour. Le 15 juillet, Christine, vous avez commandé un amplificateur pour antenne télé sur le site d'une entreprise belge. Vous n'avez toujours rien reçu et aucune nouvelle. Et donc forcément, vous êtes inquiète aujourd'hui. Oui, oui, je n'ai rien reçu, malgré un mail, malgré trois appels au téléphone. La première fois, j'ai laissé un message, mais sans succès. Mais vous deviez recevoir ça quand ? Je devais recevoir ça donc 3 jours après ma commande. Ouais. J'ai commandé le 15, je devais le recevoir donc 3 jours après. Bien entendu, je devais payer, j'ai fait un virement de la somme. Et vous avez appelé le magasin en direct, au téléphone, vous avez eu un humain en ligne ? Oui, oui, j'ai appelé le numéro qui se trouve. Ouais. Et ils vous ont dit quoi ? J'ai eu un répondeur. Ah, d'accord. Et okay. J'ai laissé un message pour qu'ils me rappellent, mais ils ne m'ont jamais rappelé. Bon, Annie s'est penchée sur votre petit dossier. Voilà. Et a pris contact avec l'entreprise en question. Oui, voilà. Alors, d'abord, j'ai sous les yeux le formulaire de commande. Hein. Votre amplificateur, c'est avec les frais d'envoi, ça tourne autour de 22 euros. Alors, vous me dites, bah oui, c'est pas très cher, pourquoi on rouspète ? Ben, parce que le principe, c'est que ça a été payé au mois de juillet. On est fin août, il n'y a toujours rien. Le bon de commande est très clair, c'est J+3 pour la livraison. Voilà, oui, et donc, que ce soit en Belgique, ou à Bains-de-Pieds ou ailleurs, ça pose toujours le problème de payer et de ne pas recevoir la marchandise en échange. Alors, j'ai contacté l'entreprise. Ce qu'on dit, c'est que l'entreprise est fermée jusque fin août, donc jusque demain. Donc, elle réouvre lundi, mais il y a déjà des gens qui reprennent le travail le 1er septembre. Alors, on m'a quand même fourni quelques précisions, puisqu'on m'a envoyé un mail. Votre paiement a bien été réceptionné le 19 juillet 2007 et on ne s'explique pas l'absence de la livraison. Alors, le responsable dit que, en l'absence du destinataire d'un colis, le transporteur doit laisser un avis de passage pour que le client et la possibilité de retirer le colis au point de distribution indiqué. Il rappelle que le magasin envoie plus ou moins 2500 colis par an et qu'évidemment, personne n'est à l'abri d'une erreur. Alors, non, absolument pas. Il peut faire quoi pour Christine, alors ? Alors, ce qu'il écrit dans le mail, c'est qu'il va vérifier le statut de votre commande, Christine, dès son retour de vacances. Je crois qu'il recommence déjà demain. Et donc, s'il apparaît que le colis n'a pas été livré suite à une erreur de la part de l'entreprise ou bien du transporteur qui est choisi par l'entreprise, il va de soi qu'ils vont vous renvoyer un nouveau colis après vérification de vos coordonnées postales pour être certain que ça arrive bien chez vous. Alors, petite critique de sa part. Et peut-être en contradiction avec vous, vous dites que vous avez téléphoné et vous dites que vous avez écrit. Alors, lui, dans son mail, il dit, ben voilà, moi, je n'ai pas eu de mail de Christine m'informant qu'elle n'avait pas reçu son colis. Je n'ai pas souvenance non plus d'un appel téléphonique avant la fermeture du magasin au mois d'août. Alors, je vous ai demandé, parce que je suis un petit peu comme ça, Thomas, moi, si on dit quelque chose, il faudrait que je vérifie. Et donc, ben voilà, vous avez envoyé un mail, vous m'avez envoyé la copie au mois d'août. C'était une mauvaise adresse, d'accord, mais enfin, vous avez envoyé la mail, vous pouvez faire la preuve. Malheureusement, le magasin est en congé, c'est comme les bâtiments. Hein, ouais, il y a des congés qui sont quand même un peu éternels. Et puis, ben voilà, on rappelle, vous l'avez dit vous-même, vous avez téléphoné deux fois, vous avez laissé des messages. Donc, on a pu peut-être faire avancer le chemin de vie, comme on dit. Donc, on va regarder votre dossier, en tout cas l'entreprise, demain ou en tout cas début de semaine prochaine. Donc, a priori, la semaine prochaine, voilà, vous devriez avoir courant, des nouvelles. Parce que vous savez que nous, on aime bien suivre les dossiers, on ne laisse pas tomber nos auditeurs, oui, oui. Effectivement. Oui, oui. Donc voilà, Christine, vous nous envoyez un petit mail à Pigeon. Dès que je reçois, je vous fais signer. Si je n'ai rien reçu d'ici 15 jours, je me permettrai de vous rappeler aussi. On est d'accord. Voilà, alors je sens qu'on va commencer à avoir des problèmes avec des gens qui ont acheté sur Internet, que ce soit en Belgique ou ailleurs, et puis qui n'ont rien reçu. Voilà. Mm-hmm. Alors, dès qu'on ne reçoit pas dans les délais prévus, il faut absolument se manifester auprès du site ou de l'entreprise. Il ne faut pas simplement téléphoner, il faut absolument envoyer un mail. Et sur certains sites, malheureusement, vous n'avez pas d'adresse email. Vous êtes obligé de passer par un formulaire, c'était le cas ici. Ouais. C'est toujours un petit peu désarçonnant parce que vous dites, ben, est-ce qu'on l'a bien reçu, etc. Et donc, il faut faire attention, mais manifestez-vous par écrit et ne vous contentez pas du coup de téléphone, c'est bien connu. C'est important. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Si vous avez, malgré tout ça, encore des difficultés, on peut peut-être vous aider. Envoyez-nous le résumé de votre histoire, par exemple. Oui, vous pouvez l'envoyer par mail. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Vous pouvez laisser ça sur le répondeur aussi. 070 222 660 ou sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. Page Facebook sur laquelle on vous invite à réagir à propos des cartables. La question du jour, c'est les cartables. Hein. Qu'est-ce que vous achetez comme cartable et finalement, qu'est-ce que vous mettez dedans et vous faites attention à quoi? Et quel est le prix moyen que vous allouez à l'achat d'un cartable sur la page Facebook? On vous lit dans quelques minutes. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrembel et Béguines. À l'arrivée, juste avant l'apérobique, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Cette semaine avec Femme d'aujourd'hui, le magazine Délices et ses recettes pour cuisiner vite et bon. Des plats qui feront plaisir à tout le monde. Femme d'aujourd'hui, tellement nous. En télé sur la Une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la Une. C'est la rentrée et votre Westland Shopping va vous aider. Ce samedi 3 septembre, de 14h à 18h, déposez-nous vos cahiers et nous les recouvrons dans l'heure. Participez aussi à nos ateliers coiffure chrono, lunch rapide et équilibré, comment choisir son stylo ou entretenir ses lunettes. Une rentrée zéro stress, c'est au Westland Shopping. Rendez-vous ce samedi 3 septembre de 14h à 18h et n'oubliez pas leurs cahiers. Westland Shopping, mon shopping, si proche. Ring West sortie 14, parking facile. Tu te méfies de moi, de ma façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures. partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. S'éteigne seul dans le noir. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. On est tous un peu pareils, c'est le groupe Delta avec le titre Héréditaire. Sur la page Facebook, on vous demande si vous faites attention quand vous achetez un cartable. Et il est temps d'y penser, la rentrée c'est demain pour les enfants. Oui, et ben Nathalie, elle y a pensé, les cartables sont prêts. J'ai acheté pour mes deux enfants la marque avec le petit singe. Et franchement, j'en suis extrêmement contente. C'est un fameux budget au départ. Mais ça fait la troisième année qu'ils l'utilisent. À la fin de l'année scolaire, je les dépose au nettoyage à sec. Et ils sont nickel pour recommencer l'année. Auparavant, j'achetais une autre marque. Mais chaque année, il fallait investir dans un nouveau. Alors le calcul est vite fait. Et en plus, il y en a des bons marchés en seconde main. On a dit avec Anne-Laure que c'était pas forcément bon, surtout s'il y a les roulettes derrière. Et puis on parlait aussi avec Anne-Laure du poids des cartables. Eh bien Sophie a choisi le cartable avec sa fille, toutes les deux dans le magasin, un sac à dos spacieux. Elle entre en 6e primaire. À côté, parce qu'elle nous met une photo Sophie, vous pouvez voir tout ce qui ne rentre pas dedans. Effectivement, il y a un gros sac en plus du cartable avec des classeurs et d'autres choses. Et elle nous met en commentaire, je regrette de ne pas avoir pris une valise. Oui, mais je vois la photo et effectivement, le cartable a l'air, le sac à dos a l'air un peu trop petit pour tous les gros classeurs qu'on demande aux élèves de prendre. Et donc, régulièrement, vous voyez des étudiants ou même des gens de primaire qui se promènent avec le gros classeur dans les bras. Ouais. Pourquoi ? Parce que le sac ça à dos pas dans le est un pas. Petit peu trop petit. Donc, il faut que les parents prennent un classeur avant d'aller acheter les sacs. Et puis, la boîte à tartines et puis la gourde. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses dans le sac à dos. On poursuit la lecture de vos réactions par rapport au cartable dans quelques minutes. Vous ne rêvez pas. Vasio Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à lattes. Vous préférez encore dormir dessus ? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vasio Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. On dirait que les coureurs semblent maintenant ralentir le rythme. Ah, avec un nouveau changement en tête et un nouveau leader qui emmène maintenant la course. Un vrai coup de fouet là pour tout le groupe d'échappés. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans ? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La DH présente en exclusivité la Maison de Mickey. Une collection de livres richement illustrés pour découvrir les chiffres, les lettres et de nombreuses activités pour apprendre en s'amusant. Avec à chaque numéro un DVD de 2 épisodes. Grâce à la DH, apprendre devient un jeu d'enfant avec Mickey et ses amis. Le numéro 1, 1,99€ seulement, en vente en librairie. Dave Stewart, le groupe Eurythmics en 1986, c'était Miracle of Love. On est embêté. Oui. Je dois franchement vous avouer, on est un petit peu embêté. On vous demande de réagir sur la page Facebook pour parler de la rentrée des cartables. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de rentrer et d'acheter des cartables. Ou alors tout le monde est dans les magasins. Mais ce mot rentrée fait peur. Tu m'étonnes, oui. Il fait beau dehors. Oui, je ne sais pas. Le mot cartable ne vous inspire pas. C'est embêtant parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et quand on a entendu Anne-Laure tout à l'heure en disant que finalement le mieux pour les enfants c'est un simple sac à dos parce que le cartable à roulettes, ok c'est pratique mais ça pète le dos des gosses, le cartable traditionnel, et ça salit, okay, les pantalons, c'est pratique mais ça pète le dos des gosses. En fait tout pète le dos des enfants, oui. Mais visiblement le meilleur rapport qualité-prix et le plus simple ce serait le cartable sac à dos. On en reparlera ce soir à la télé à partir de 18h30. People have been for the night. Eddie Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night and it was okay. Mama told us we were good kids and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night and it was okay. Mama told us we were good kids and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling. C'était Lucas Graham sur Viva avec le titre Mama Said. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Et on termine cette émission comme chaque jour avec le coup de gueule. C'est Marianne qui n'est pas contente aujourd'hui. Facture d'eau 2016, nous écrit Marianne. Totale consommation 2,62€. Oui. Ça va, c'est correct. C'est correct. Taxes diverses et variées, 115€. Ah ouais, ça, ça calme. Ça motive vachement à l'économie et au respect de la planète. Nous et ça, c'est étonnant. C'est comme le vol pas cher sur une compagnie low cost à 0€ et au final, t'en as pour 115€. Avec ce qui est bien, c'est ouais. Diverses et variées. Oui, c'est ça. Sauf qu'ici, on touche quand même à un bien de consommation courante indispensable. Je veux dire, oui. L'eau, on ne peut pas s'en passer. C'est pas comme les billets d'avion. C'est donc vital. C'est un peu... C'est assez particulier. Si vous, comme Marianne, avez des choses à nous dire, des trucs qui vous énervent, n'hésitez pas. Hein. On le rappelle, il y a la page Facebook. Mais dans la vie, il n'y a pas que Facebook. Il y a aussi le mail pigeon@rtbf.be pour l'adresse. Le répondeur 070 222 660. Alors faites bien attention qu'il y ait du réseau et n'oubliez pas votre numéro de téléphone. Et expliquez brièvement de quoi il s'agit aussi. La vie du bon côté, c'est ce qui arrive sur Vivacité. On vous retrouvera ce soir en télé à partir de 18h30. Sylvie Honoré, vous parlez de quoi cet après-midi ? On va parler de la rentrée scolaire. Ah ouais ! Mais est-ce qu'on a l'impression que c'est la rentrée scolaire demain ? Mais non ! Mais non, mais non, mais non ! Déjà, ça arrive un jeudi, hein, c'est un peu spécial. Déjà, ça arrive quand il fait vraiment beau depuis quelques jours. C'est un peu spécial. Bonjour Annie Deuteux. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Et je sais qu'on va faire évidemment, on va intéresser pas mal de personnes. On va créer de l'intérêt encore aujourd'hui pour une rentrée de classe réussie avec vous Annie, avec l'habitat thérapie. Et donc on a, en préparant l'émission déjà, envisagé pas mal de pistes de réflexion sur lesquelles on va vous diriger, chers auditeurs. Annie m'a dit, Sylvie, la rentrée des classes demain, avec les deux petits bouts. Est-ce qu'il y aura des nouveaux vêtements, des nouveaux plumiers, des nouveaux cartables, des nouveaux ci, des nouveaux ça? J'ai dit tout nouveau. Oh, pas bien. Sylvie, pas bien. Et ses anciens repères, et leurs anciens repères. Exactement. Et ben voilà. Donc déjà, ça c'est une première chose. Il faut donc, et ça on va insister là-dessus, avoir laissé à nos enfants des repères. Ça c'est par exemple une piste de réflexion. Elle va vous demander, Annie, comment vous avez géré leur bureau à la maison, hein, c'est ça comment, exactement. Où est-ce qu'il est? Les couleurs de la chambre d'études, l'aménagement du bureau, les mots que vous employez pour la rentrée des classes aux enfants. Qu'est-ce que vous leur dites aux enfants? Voilà, la manière d'aménager donc l'espace travail et aussi les couleurs qu'on porte sur soi, à mon avis, pour la rentrée des classes. Absolument. C'est important, oui, très dès important. Le plus jeune âge. Surtout le plus jeune âge. Bon, voilà, aujourd'hui, je ne devais pas mettre de bleu. Et j'ai mis du bleu. Oui, ça... mais je n'expliquerai pas où ça. Non, mais je vais être concentrée quand même. Je vais être concentrée quand même. On va faire tout ce qu'il faut pour. Bon, ben, je vais bien me concentrer alors. On a deux heures pour parler de tout ça. L'habitat-thérapie, la rentrée des classes avec l'habitat-thérapie. On vous parlera plein d'autres choses, bien entendu. Envoyez-nous un email aussi, tiens, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas Facebook. Il avait raison, Sébastien, de le dire il y a quelques instants. La vie du bon côté, @rtbf.be, 3063 ou 070 23 33 23. Le journal de 13h arrive et le point météo aussi de Denis. Le voici. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Bonne journée à tous, le soleil est bien présent, quelques nuages bourgeonneront dans le courant de la journée ou quelques nuages d'altitude sur l'extrême sud, mais sans conséquence, température attendue de 22 à 23 degrés sur les hauteurs ainsi qu'au littoral, 24 à 26 dans les autres régions avec un vent qui se renforce légèrement cet après-midi. Demain, une journée un petit peu plus grise, le risque de quelques averses mais assez rares est bien présent, un petit peu plus sur le nord que sur le sud du pays. On maintient malgré tout de la douceur, 20 à 24 degrés. Vendredi, les éclaircies seront à nouveau plus grandes, plus larges. Et pour samedi et dimanche, eh bien, retour d'averse. D'abord discret samedi, mais plus marqué pour dimanche, toujours dans une certaine douceur. Excellent début d'après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Les titres du journal de 13h, pardon Manu. La confusion autour de l'arrestation de Bilen Ceyran, la jeune Belge d'origine turque, est enfermée en Turquie. Le ministre des Affaires étrangères tente de comprendre ce qui se passe. L'ambassade belge en Turquie est sollicitée. Des dépenses totalement hors budget pour réparer un immeuble de logement social dans la cité du Coq, à Jemappes, dans le Borinage. La société de logement social a dépassé le budget.